Il y a du vent sur la plage, la petite fille de Bretagne, elle a sûrement pris froid, elle est pas là. Elle est pas venue, dommage, la petite fille de Bretagne qui regardait les vagues avec moi. Les bateaux sont plantés là-bas au bout du quai. Vraiment, y a rien à regretter. Je regarde les voiliers et pourtant je me souviens d'un village. Y avait des goélands. La petite fille de Bretagne venait souvent. Elle parlait de voyage, dans ses yeux d'océan, je voyais des rivages de sable blanc. Les bateaux sont plantés là-bas au bout du quai. Vraiment, y a rien à regretter. Je regarde les voiliers et pourtant. Déjà le vent s'éloigne des rivages de Bretagne. Je caresse les nuages de temps en temps. Je me souviens en images des coquillages brûlants. La petite fille de Bretagne avait 15 ans.